Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette case du week-end qui est en direct aujourd'hui, comme tous les jours, sauf hier, puisque j'étais en cours hier, voilà. Mais elle est de retour en direct. Cette émission, nous sommes ensemble jusqu'à midi et je vous l'ai dit en direct avec un très très beau programme, bien sûr. On va parler économie dans une dizaine de minutes, ce sera avec Dominique Bayard et Arnaud Pontus. De quoi allons-nous parler? Eh bien de Madagascar, voilà, tout simplement. Nous parlerons également cinéma avec les sorties cinéma qui arrivent dans moins de 5 minutes. Quels sont les films qui vont sortir dans les salles ce mercredi? Vous saurez tout dans cette chronique cinéma. Il y aura des actus du numérique dans une trentaine de minutes lors de la deuxième demi-heure de la case du week-end. L'éphéméride arrive également, ce sera à 10h45. Et puis des actus des médias, bien sûr. Un très beau programme donc, un très beau programme également musical. Puisque dans les prochaines minutes sur Radio Antigone et Phil FM en simultané, nous allons pouvoir écouter Kyo avec Mon Époque. Du bon rock qui arrive dans quelques minutes sur Radio Antigone. Il y aura également Way Alejandro avec Todo Doti. Ou plutôt Todo Ditai, je pense. Voilà, si je prononce mieux. Ça arrive dans, eh bien, dans la première heure de cette émission sur Radio Antigone. Et puis le premier classique musical du jour sera Kiss avec I Was Made for Loving You. Voilà pour le programme musical de la première partie de cette émission. Restez bien avec nous pour profiter de tout ce programme. Dans quelques minutes, je vous l'ai dit, dans quelques instants, nous allons parler cinéma avec les sorties cinéma. Mais pour l'instant, commençons à 10h13 cette émission avec The XX. Voici Earth Skipped a Beat dès maintenant sur la radio à vif et sur Phil FM. So much more, make you feel like never before. Welcome, they said, welcome to the floor. It's been a while and you found someone better, but I've been waiting too long to give this up. The more I see, I understand, but sometimes I still need you. Sometimes I still need you. Sometimes I still need sometimes you. I still need you. Sometimes I still need sometimes you. Sometimes I still need you. Sometimes I still need sometimes you. Sometimes I still need you. For me. one skin to be. And when I call you, you're out of reach. But I'm sure you've heard it before. One skin to be. Skip the Beat sur Radio Antigone, interprété par The XX en 2019. Il est 10h17, voici les sorties jeux vidéo. Non, les sorties cinéma, oh là là, la catastrophe. Les sorties cinéma. N'est pas possible, je me trompe comme ça. Les sorties cinéma, donc les films qui vont sortir ce mercredi, le mercredi 16 février 2022. Et nous commençons avec La Vraie Famille. La Vraie Famille, c'est le deuxième film de Fabien Gobard qui, eh bien, parle tout simplement... Eh bien, bah super, hein, j'ai perdu bien sûr... Puisque sinon, ça serait trop facile après un blanc de ne pas avoir de problème. Un film, donc, je vous l'ai dit, de Fabien Gobard, qui raconte l'histoire de Anna, 34 ans, qui vit avec son mari et ses deux petits garçons, dont un enfant placé chez eux par l'assistante sociale depuis l'âge de 18 mois et qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C'est un déchirement pour Anna qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l'a toujours appelé maman. C'est un film de et avec Fabien Gobard d'une durée de 1h42 en salle ce mercredi. Sorti également mercredi de Hopper et le hamster des ténèbres. C'est un film d'animation qui raconte l'histoire du jeune Hopper Kinkinson, le fils adoptif du roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi-poule et mi-lapin, le jeune héros est lui-même obsédé par l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours. Lorsque Harold, le frère du roi Arthur, s'échappe de prison pour trouver le spectre du hamster des ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite. À l'aide de son fidèle serviteur Arky, une tortue sarcastique, et de Meg, une moufette, experte en arts martiaux, il va se lancer dans une aventure épique, une histoire pleine d'humour, d'action et de déport épique à retrouver au cinéma ce mercredi. Sorti également ce mercredi, eh bien, du film Uncharted, qui raconte l'histoire de Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, recruté par un chasseur de trésors chevronné, Victor Sully Sullivan. Le but est pour eux de retrouver la fortune de Ferdinand Magellan qui a disparu depuis 500 ans. Film réalisé par Ruben Fleischer avec Tom Holland, Mark Wahlberg et Sophia Taylor, alliés à retrouver en salle donc ce mercredi. Dans les sortants au cinéma également ce mercredi, vous allez pouvoir retrouver le film King qui raconte l'histoire d'un lionceau destiné à un trafic qui s'échappe de l'aéroport et se réfugie dans une maison, la maison d'Inès qui a 12 ans et avec son frère Alex 15 ans. La frère et la sœur ont l'idée folle de le ramener chez lui en Afrique, mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Voilà pour ce film avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht et Léo Lorlach, réalisé par David Moreau et qui est donc au cinéma ce mercredi. Voilà pour cette première partie des sorties cinéma, les sorties cinéma qui reviennent à la toute fin de l'émission juste avant midi. Et on repart en musique dès maintenant avec cet excellent titre de Kyo. Dès maintenant, voici Mon Époque et après on parle économie. Ce soir, j'ai le mal de mon époque. Je remplis des pages, ce soir je noircis des blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores, s'éclater les cordes vocales, mais c'est du sport. Pas la même ligne de départ, pas la même ligne d'arrivée, tous nés sous un cimetière d'étoiles, mais pas tous aussi bien nés. Ma vie un backstage, mon futur un blind test, toujours en quête de la prochaine quête. Je suis mal dans ta peau, t'es mal dans la mienne. Ce soir, je mal de mon époque. Je remplis des pages, ce soir je noircis les blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores, s'éclater les cordes vocales, s'aimer c'est du sport. Ce n'est pas ton jour, pas ton mois, pas ton année. Le bonheur court toujours après l'horizon. Vol d'oiseaux blessés, ma vie un backstage, mon futur un blind test, toujours en quête de la prochaine fête. Je suis mal dans ta peau, t'es mal dans la mienne. Je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. Ah, je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. Sur Radio Antigone, c'était Kyo avec Mon Époque à l'instant. Et maintenant, il est l'heure de parler économie. Aujourd'hui, l'économie. Comme tous les week-ends, c'est avec Dominique Bayard et Arnaud Pontus. Bonjour à vous deux. Bonjour Dominique. Bonjour Arnaud. Après le passage du cyclone Batsirai, Madagascar continue à panser ses plaies. Une fois encore, la grande île de l'océan Indien voit son développement contrarié par une catastrophe. Est-ce que ce pays est une victime du changement climatique ? Alors c'est vrai qu'on constate que sur l'île Rouge, les calamités se succèdent à un rythme effréné, déjà en proie à une disette provoquée par une sécheresse chronique. Les habitants du sud du pays ont subi en l'espace d'une semaine deux cyclones meurtriers. La tempête tropicale Anna a fait 55 morts et plus d'une centaine de milliers de déplacés. Et maintenant, Batsirai, son bilan en vie humaine est moins lourd, mais ses conséquences économiques pourraient être dévastatrices puisque les prochaines récoltes sont compromises à cause de l'inondation des rizières. Oui, ces avanies météo en série sont une conséquence du réchauffement climatique. Alors, lorsque les cyclones deviennent récurrents, c'est effectivement lié au bouleversement du climat. Par ailleurs, selon le Programme alimentaire mondial, la sécheresse qui sévit depuis plusieurs années à Madagascar provoque dans le sud ce qui est déjà considéré comme la première famine liée au changement climatique. En certains endroits de cette région, même les cactus périssent. Plus d'un million de malgaches ne mangent plus à leur faim dans ces zones en stress hydrique. Madagascar fait clairement partie des perdants du changement climatique. C'est l'un des plus faibles émetteurs de carbone à cause de son sous-développement chronique et c'est celui qui aujourd'hui endure le déchaînement des cieux. Alors voilà pour les catastrophes dites naturelles. Madagascar a aussi particulièrement souffert de la pandémie de Covid-19. Oui, non seulement sur le plan sanitaire, mais bien sûr sur le plan économique, parce que le pays a dû restreindre le tourisme et les échanges avec l'étranger en général. L'île a connu une très violente récession en 2020, avec un recul du PIB de 7%, la disparition d'un tiers des emplois du secteur formel. La reprise amorcée l'an dernier n'a pas encore effacé les dégâts commis par le Covid sur l'économie. Malgré la réouverture des frontières, les visiteurs se font encore désirer. Le tourisme est un secteur clé pour l'emploi dans ce pays, toujours classé parmi les plus déshérités au monde, avec un taux de pauvreté à 75%. Dominique, quelles sont les politiques mises en œuvre pour relever le pays ? Alors, les Malgaches attendent toujours que le fameux plan émergence du président Radoane se concrétise, promis au moment de son élection en 2018. C'est encore une feuille de route qui doit doter le pays des infrastructures qu'il n'a jamais eues, des routes, un réseau électrique complet, mais on en est resté surtout au stade des vœux pieux. Le président avait entre autres promis d'apporter le courant au quart des ruraux et au moins à la moitié des citadins. Mais les difficultés de la compagnie nationale aggravées par un incendie ont augmenté les coupures de courant dans la capitale, là où sont concentrées les industries. Face à cette littérale inertie des pouvoirs publics, la Banque mondiale préconise maintenant le relais de l'initiative privée dans un blog qui a été publié en janvier pour développer le tourisme, l'industrie textile et l'agriculture, les trois points forts de l'économie malgache. Un chantier qui ne se réalisera pas sans l'amélioration des infrastructures de base et bien sûr sans un financement. Une mission qui paraît impossible dans un pays où l'on survit avec un PIB par habitant inférieur à $500. Merci à vous Dominique Bayard, aujourd'hui l'économie. Et merci à vous également Arnaud Pontus. On vous retrouve tous les deux la semaine prochaine pour une nouvelle chronique économique, bien sûr. D'ici là, il y aura les actus du numérique, l'éphéméride et les actus des médias. Mais avant, voici eh bien un petit extrait d'Arcade Fire avec Air Comes the Night Time. Et juste après, on fait un point sur l'actu et sur la météo. Song. Cascade, Fire, l'album Reflector, Air Comes the Night Time, à l'instant sur la radio à vif. Radio Antigone. Où il est 10h31, presque 10h32, j'ai beaucoup de retard, donc la case du week-end continue avec l'actu. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Et oui, parce qu'avec 2 minutes de retard, voici un point sur toute l'actu. On commence avec le convoi de la liberté qui a entraîné plusieurs interpellations et des blocages XXL sur le périphérique parisien tout au long de l'après-midi d'hier. La figure des gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, a notamment été interpellé. La crise en Ukraine et une après-midi intense hier du point de vue diplomatique. Joe Biden et Emmanuel Macron ont mis en garde de Vladimir Poutine contre une invasion de l'Ukraine. Sachez que par mesure de prudence, la France conseille à ses ressortissants de voyager en Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères ce samedi. KLM suspend également ses vols vers l'Ukraine, la compagnie aérienne donc, qui suspend ses vols jusqu'à nouvel ordre. Et puis, des entretiens téléphoniques hein, qui ont duré très très longtemps, notamment eh bien Joe Biden, je vous l'ai dit, qui a eu un entretien téléphonique d'1h40 avec Vladimir Poutine hier. Et puis l'Ukraine qui demande de garder le calme. Les forces armées ukrainiennes suivent la situation et sont prêtes à riposter à toute atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a expliqué la diplomatie ukrainienne dans un communiqué publié samedi. Kiev assure être, je cite, être en lien 24 heures sur 24 avec tous les partenaires clés et recevoir rapidement des informations sécuritaires. Dans l'actualité également, la Corée du Nord en phase de provocation après des essais de missiles balistiques. C'est ce qu'a dit la secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré ses homologues sud-coréens et japonais hier après donc des effets soient encore effectués, des effets de missiles balistiques. Donc voilà pour ce point très très rapide sur l'actualité. Tout à l'heure à 11h, on fera un point plus complet et on passe à la météo dès maintenant. Ça sera également très très rapide du côté de la météo. Juste pour vous dire en deux mots que c'est pas trop mal aujourd'hui avec du soleil sur une majeure partie de la France, au-dessus d'une ligne entre Bourges et Nice et au-dessus d'une ligne entre Bourges et Metz, du grand soleil sans nuages avec des températures qui vont de l'ouest à l'est de 14 à 11 degrés et 7 degrés à Bourg-Saint-Maurice. Attention à cette pluie qui arrive sur la pointe bretonne du côté de Brest, 11 degrés, Rennes 10 degrés, Nantes 10 degrés. Il y a un petit peu de nuages sur toutes les autres parties de la France cet après-midi. Et puis demain matin, la pluie va se décaler petit à petit vers l'est et arriver même du côté de l'est. Vous aurez de la pluie entre Toulouse et Metz et tout à l'est de cette ligne. Point complet sur la météo tout à l'heure également à 11h. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Elle continue en effet cette case du week-end. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans quelques instants, nous allons parler numérique. Il y aura votre éphéméride et les actus des médias dans cette prochaine demi-heure. Du côté de la musique, nous allons pouvoir écouter Julien Doré avec WAF. Et puis, il y aura, je vous l'ai dit tout à l'heure, un classique musical avec Kiss. I was made for loving you arrive juste avant 11h sur Radio Antigone à 10h47 normalement si je n'ai pas de retard. Et pour l'instant, eh bien la musique qui reprend tout de suite. Voilà, on profite de cette matinée sur Radio Antigone et Phil FM en simultané avec la case du week-end en direct jusqu'à midi. Et Roll Alejandro, oh là j'ai du mal. Voici Todo Ditti. Al viento yo a tu cabello. Alejandro, c'était Todo di Tai à l'instant sur Radio Antigone et Phil FM. 10h39, voici les actus du numérique. Radio Antigone. Les actus du numérique. Quelques nouveautés du côté de Windows 11 qui vont bientôt arriver et qui devraient être disponibles très très prochainement pour les utilisateurs insiders, les utilisateurs bêta-testeurs en quelque sorte. Quelques modifications et notamment eh bien des fonctionnalités attendues depuis un long moment, notamment du côté du menu démarrer. Mais oui, le menu démarrer qui va voir eh bien quelques modifications apparaître, notamment la création de dossiers d'applications. Vous pourrez regrouper des applications, des logiciels en les glissant via des groupes. Vous pourrez également glisser, déposer plus facilement des fichiers vers la barre des tâches. Retour de cette fonctionnalité donc qui avait disparu et qui était ultra demandée sous Windows 11. Si bien qu'il y avait des logiciels qui permettaient de réactiver en quelque sorte cette fonctionnalité. D'autres fonctionnalités, eh bien l'explorateur de fichiers permettra également d'épingler des fichiers dans ce menu démarrer. La barre des tâches qui a donc de nouvelles modifications. Je parlais déjà de la barre des tâches d'ailleurs. Snapbar va également pouvoir être ajouté. Il va pouvoir améliorer l'expérience utilisateur en permettant d'aligner plusieurs fenêtres d'application sur Windows 11 et ce d'une nouvelle manière. Un panneau bar qui va descendre du haut de l'écran dès que vous déplacerez une fenêtre sur votre écran. De nouveaux effets vont apparaître dans les barres de titres des fenêtres plus anciennes du système d'exploitation comme exécuté ou gestionnaire de périphériques. Du côté des tablettes, des nouveaux usages vont pouvoir être possibles. De nouveaux gestes vont permettre d'accéder au menu démarrer et au panneau paramètres rapidement, en remontant par exemple la souris ou votre doigt du bas vers le haut de l'écran depuis la barre d'état système. Cela va ouvrir les paramètres. Et puis, à un autre endroit, ce geste va pouvoir de faire apparaître le menu démarrer. Et vous pourrez d'ailleurs masquer très très facilement la barre des tâches si vous utilisez votre appareil en mode tablette et pas en PC, et ce automatiquement très très prochainement. Toutes ces fonctionnalités vont arriver en bêta test pour les insiders de Windows 11, mais elles seront très très prochainement mises en place, c'est bien, pour tout le monde, notamment nous dit Frandroid, très certainement dans la mise à jour Sun Valley 2, le nom de code de la prochaine mise à jour majeure de Windows 11 qui devrait être déployée au second semestre de cette année. Ces fonctionnalités peuvent néanmoins arriver plus tôt, nous dit-on. Voilà pour ces petites actus du numérique. Et dans quelques instants, nous allons pouvoir parler quoi ? Eh bien, parler de l'éphéméride. Radio Antigone. 10h, midi, la case du week-end. Et oui, l'éphéméride qui sera là pour tout savoir sur ce dimanche 13 février 2022. Mais avant, voici Julien Doré avec WAF. Il paraît que la Terre est plate, que les rêves n'existent pas, que les pingouins s'acclimatent fort bien au nouveau climat. Ils te disent que c'est ta faute si tout s'était temps pour toi, mais y a bien des étoiles mortes que je vois briller là-bas. Et avant que le jingle ne parte tout seul, c'était donc Julien Doré avec WAF. Et d'ailleurs, vous avez pu entendre Simone et Jean-Marc, ces deux chiens, sur le générique de l'éphéméride qui arrive donc maintenant avec... Oh là là, et ben c'est super, l'éphéméride vient de se fermer sous mes yeux. C'est toujours un plaisir. Merci Firefox qui m'a fermé totalement mon conducteur avec un éphéméride qui pour une fois était prêt, ce qui était bien, hein, voilà, c'était bien fait, j'avais tout bien fait. Mais il s'est fermé, voilà, c'est dommage. Alors, bon anniversaire aux Anges, aux Fulcrans, aux Jourdains, aux Jordan, aux Sava et aux Tancred. Bon anniversaire aujourd'hui. Bah du coup, je l'ai plus l'anniversaire. Hein. Oui, j'essaie de rattraper petit à petit ce que j'ai de nouveau. Bon anniversaire, à Robbie Williams qui fête ses 49 ans aujourd'hui, à l'actrice Kim Novak qui, elle, fête ses 90 ans, bon anniversaire à elle donc. Bon anniversaire également à Vianney qui a 32 ans. Bon anniversaire au footballeur Mamadou Sakho qui fête ses 32 ans. Céline Géraud fête quant à elle ses 55 ans. Et puis, que peut-on dire d'autre? Qu'y a-t-il d'autre? Peter Gabriel fête aujourd'hui ses 73 ans. Bon anniversaire à lui, on l'écoutera peut-être prochainement dans une case du week-end, voilà. Je note ça, ça peut être sympathique. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la radio créée en 2012 afin de mettre à l'honneur la puissance de la radio comme plateforme pour l'éducation, la liberté d'expression et pour son rôle vital dans la réponse aux crises et aux catastrophes. L'UNESCO a donc créé cette journée le 13 février de chaque année et nous sommes un 13 février. Voici quelques événements s'étant déroulés, pardon, un 13 février maintenant. Et on part quand? Allez, on part très loin, je pense. Je vous propose qu'on parte du côté du 19e siècle, puisque c'est un 13 février 1801 que la convention d'Aranjuez a été signée pendant les guerres de la deuxième coalition. Alors la convention d'Aranjuez, c'est quoi? Bien, c'est un accord entre la France et l'Espagne qui a été signé donc à 13 février et qui établit les conditions de l'union des armées et flottes de l'Espagne, de la France et de leurs alliés pour combattre les forces de la Grande-Bretagne. C'est ce que nous explique Wikipédia. Allez, autre événement s'étant déroulé un 13 février. C'est un 13 février que le Vélodrome d'hiver à Paris a été inauguré, a ouvert. C'est également un 13 février que le théâtre d'Antong en Chine est parti en fumée dans un incendie en 1937, le 13 février 1937. Et cet incendie a causé 74 morts malheureusement. 13 février, que s'est-il passé d'autre? Eh bien, pas grand-chose, voilà, que je peux vous annoncer. Si on remonte dans le temps, du côté, par exemple, allez, peut-être, du 5e siècle, c'est un 13 février que l'empereur germanique Othon Ier a promulgué le Privilegium Othanium, qui confirme les règles des Carolingiens, le 13 février 962, tout simplement. Voilà, pourquoi je veux mettre un 1000? Non, mais allons, j'ai quand même dit qu'on était au 5e siècle. Voilà pour ce petit éphéméride qui, je l'espère, vous a plu. Et là, j'ai un problème de son dans tous les sens. Ça bouge de partout. C'est très, très étrange. Voilà, j'ai un problème de son. Bon, ça va le faire. Vous m'entendez? C'est le principal. Moi, je ne m'entends pas parce que j'ai un horrible écho dans le casque. Mais ce n'est rien. La case du week-end continue tout de suite avec un classique musical. Le classique de la case du week-end. Décidément, elle est dure quand même cette émission, mais bon, j'espère que la deuxième heure va se passer, je n'en doute pas d'ailleurs. Voici dès maintenant Talk Talk avec ce Shusham. mon micro était éteint, c'est super, voilà, vraiment super. Je vous disais donc qu'il y avait eu un petit cafouillage dans ma programmation musicale, puisque depuis tout à l'heure, je vous annonce quoi ? Je vous annonce Kiss, I Was Made for Loving You. Et donc, on l'écoute dès maintenant, et le classique que vous, dont vous avez entendu un extrait arrive lors de la deuxième heure de l'émission. Voilà, voilà, voici Kiss tout de suite. I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. And girl, you were made for me. I wanna see it in your eyes. Feel the magic. There's something that drives me wild. And tonight, we're gonna make it all come true. 'Cause girl, you were made for me. And girl, I was made for you. Radio Antigone, à l'instant, c'était Kiss avec I Was Made for Loving You. Radio Antigone. Les actus des médias. Les actus des médias, en effet, on n'en a pas parlé dans cette émission, mais une nouvelle saison de Koh-Lanta arrive et va démarrer. Et nous avons appris quelques temps après, déjà, Koh-Lanta, il faut savoir que depuis la saison dernière, est diffusée le mardi, ce qui a fait beaucoup parler, hein, parce que c'est pas forcément le jour de diffusion qui est le plus apprécié par les téléspectateurs, qui n'est pas forcément le plus adéquat, tout simplement du point de vue d'une programmation d'une chaîne de télévision, de programmer un programme d'une telle envergure en plein milieu d'une semaine de travail. Mais nous avons appris, eh bien, que M6 avait décidé d'emboîter le pas à TF1 et Koh-Lanta et de diffuser sa série phare diffusée depuis le tout début le vendredi, NCIS le mardi. NCIS enquête spéciale qui passe donc le mardi comme Koh-Lanta depuis la saison dernière. La saison 19 sera donc diffusée le mardi soir face à Koh-Lanta. La saison 19 est toujours inédite en France et devrait être diffusée à partir du début du mois de mars. Et la saison 19 que M6 a donc décidé de, eh bien, de ne pas diffuser à sa traditionnelle case horaire du vendredi, mais de diffuser à 21h10, eh bien, le mardi. Ce sera à partir du mardi 1er mars à 21h10. Donc, la dernière saison avec Marc Harmon qui, eh bien, qui devrait petit à petit commencer à faire une pause dans la saison, mais je ne vous spoil pas plus. Voilà, voilà pour ces quelques informations. Saison dont vous allez pouvoir voir l'arrivée d'une nouvelle actrice et d'une nouvelle enquêtrice. Il s'agira, eh bien, de l'agent spécial Jessica Knight, que vous avez déjà normalement vu apparaître si vous suivez la série dans la saison précédente, incarnée par l'actrice Katrina Lowe, qui avait joué dans Hawaii 5-0, et notamment dans la série Arrow de nos amis de CW du côté de Warner Bros. Voilà pour ces quelques informations du côté de la série NCIS qui passe donc le mardi. Le vendredi, nous avions justement remarqué depuis quelques temps que M6 avait décidé, eh bien, de modifier un petit peu les programmes diffusés le vendredi. Ce n'étaient plus des séries depuis quelques mois, mais notamment des programmes avec Stéphane Plaza ou des programmes de type divertissement qui n'était pas diffusé le vendredi à l'époque. Donc un changement de case pour NCIS qui était en quelque sorte prévisible, mais qui se confirme avec le planning de la diffusion de la saison 19 d'NCIS qui a été confirmé par M6 cette semaine. Voilà pour ces actus des médias qui étaient bien trop longues pour ce qu'il y avait à dire, j'ai l'impression, mais ce n'est rien, comme d'habitude je m'en mêle les pinceaux, mais j'espère que la deuxième heure de l'émission se passera mieux, et vous allez voir, ça va être le cas, j'en suis sûr. La deuxième heure qui commence donc dans quelques minutes sur Radio Antigone. Mais avant, eh bien, nous allons faire un point sur l'actualité et sur la météo. Il y aura l'archive pub, un petit retour dans le temps avec une vieille publicité en guise de nostalgie. Nous irons en 1987 aujourd'hui. Ce sera la seule publicité de cette émission. Voici Phoenix, dès maintenant, Too Young. That made my life what it is. Can't you hear it calling? Ooh. Everybody's dancing. Ooh. Tonight everything is over. I'm too young. I can't lie on my bed without thinking I was wrong. That made my life what it is. Can't you hear it calling? Ooh. Everybody's shaking. Ooh. Tonight everything is over. I'm too young. Made my life what it is. Can't you hear? Phoenix sur Radio Antigone, c'était Too Young à l'instant. Radio Antigone. Et il est 11h01, j'ai encore du retard mais ce n'est rien, la deuxième heure de la case du week-end commence dès maintenant. Restez bien avec nous pour profiter du programme. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Programme qui commence par un rapide point sur l'actu comme toutes les demi-heures. Après les manifestations hier, appelées du convoi de la liberté, une enquête administrative a été ouverte après la diffusion d'une vidéo montrant un policier qui braque son arme sur un automobiliste. Ces images avaient été diffusées sur TF1. On voyait un policier donc qui braquait son arme sur le conducteur d'une voiture à l'issue d'une course-poursuite au niveau de l'Arc de Triomphe. La préfecture de Paris a annoncé sur Twitter qu'elle fait diligenter une enquête administrative après la diffusion de cette image tournée samedi. Pour policiers et gendarmes étaient mobilisés. 97 interpellations et 513 verbalisations à Paris sont à compter selon la préfecture de Paris également. Dans l'actualité aujourd'hui aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, on a plein de choses, hein. Et une défection de plus pour Marine Le Pen, puisque le seul sénateur du Rassemblement National claque la porte du Rassemblement National et rejoint Éric Zemmour pour l'élection présidentielle. Sa fille, il s'agit de Stéphane Ravier. Une bagarre a éclaté entre passagers au cours du vol Paris-Cayenne d'Air Caraïbes. Arrivé vendredi soir, 3 personnes ont été placées en garde à vue, a déclaré le procureur de la République, Samuel Finatz. Dans l'actualité également aujourd'hui, eh bien, il y a plein de choses, hein, il y a plein de choses. Et le président Joe Biden qui a parlé pendant bien un bon bout de temps hier, 1h30, au président russe Vladimir Poutine, notamment, eh bien, pour expliquer, pour essayer de contrer une potentielle invasion de l'Ukraine par la Russie, selon les États-Unis, qui serait très très proche. Alors, dans l'actualité également, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Valérie Pécresse qui tient aujourd'hui à Paris son premier grand meeting de campagne présidentielle avec pour objectif, eh bien, de redynamiser une campagne qui patine, selon certains, et qui a été mise sur la défensive ces derniers jours. Voilà pour ce point sur l'actualité qui revient tout à l'heure à 11h30 et à 11h45. Nous ferons un point sur, eh bien, le sport avec les actus du sport. On ira du côté de la Chine pour parler des Jeux Olympiques. Mais pour l'instant, on va du côté de la météo. La météo, c'est pas trop mal aujourd'hui. Et oui, avec du soleil un peu partout. Voilà, donc profitez-en. Cet après-midi, le soleil sera présent sur une bonne partie de la France. Grand soleil sur la partie est. Un petit peu de pluie, attention, qui arrive néanmoins du côté de la Bretagne, jusqu'à Rennes, Nantes ou encore Cherbourg, où il fera 10 degrés. Comptez 11 degrés à Brest avec de la pluie cet après-midi. 14 degrés sous un grand soleil à Bourg. 11 degrés à Montbéliard, à Dijon et Chalon-sur-Saône, 12 degrés à Nice. Attention à ces nuages qui arrivent depuis la Corse et qui vont remonter jusqu'à Montpellier cet après-midi, ou même Marseille. Marseille où il fera 13 degrés et Montpellier où il fera 11 degrés. Demain, eh bien, les pluies risquent d'être largement présentes sur une grande partie de la France. Le soleil qui fera quelques apparitions, mais eh bien sans faire disparaître la pluie. Et des températures demain matin qui ne dépasseront nulle part les 12 degrés et même difficilement les 8 degrés. Comptez 8 degrés à Bourges ou encore à Chaumont, 8 degrés également à Lille, Amiens, Brest et même à Tarbes. 12 degrés pour Marseille, ce sera la maximale demain matin. Dans l'après-midi, attention, attention à ces risques de grêle sur le nord-ouest de la France, à Brest, à Alençon, dans la région de Rouen, Cherbourg ou encore de Rennes, les pays de la Loire donc, qui seront sous un risque de grêle demain après-midi et des orages qui vont pouvoir se déclencher du côté du centre Val-de-Loire ou encore de l'Île-de-France. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. J'ai vraiment du mal aujourd'hui à assurer cette émission le mieux possible. J'ai du mal à faire des phrases, mais bon, ce n'est rien. On va continuer tranquillement cette émission et je pense, j'espère que ça va bien se passer. J'espère que cette émission vous plaît, que vous passez un bon moment, hein, sur Radio Antigone en simultané sur Phil FM. Merci de profiter de la case du week-end d'être à son écoute avec dans quelques minutes, eh bien, le programme télé, voilà, pour savoir quoi regarder ce soir à la télévision si vous avez envie de regarder la télévision, je ne vous oblige à rien bien sûr. Nous allons parler économie avec Marie-Pierre Olfond. On va parler de fruits, voilà, de fruits verts, je ne vous en dis pas plus, un fruit vert, voilà, je vous laisse deviner, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à envoyer un message au compte Twitter ou Instagram de Radio Antigone si vous avez une idée du fruit dont je vais vous parler dans cette chronique économique. C'est possible, hein, et oui, vous pouvez trouver, et je vous promets de vous offrir un petit cadeau si jamais vous trouvez. Voilà, vous avez un peu plus de 10 minutes, donc dépêchez-vous parce que la chronique économique c'est à 11h23. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Eh bien, une nouvelle chronique économique, ça sera après 11h30. Il y aura les actus du sport, je viens de vous en parler, et puis les actus des médias. Bref, un bon programme pour la deuxième heure de cette émission. Bon programme éditorial, mais également musical. Nous allons notamment écouter dans quelques minutes Without the Face. Non, Michael Miro, pardon, sur la route. Sur la route, sur la route. Michael Miro, donc, et son dernier titre Sur la route arrive dans quelques minutes, et puis nous écouterons quand même, voilà, je l'ai dit il y a quelques secondes, Without the Face avec Forever Young. If this life is just a big illusion, let's have fun and be forever young. It doesn't matter the destination. Et puis le deuxième classique musical de cette émission, puisque vous le savez, dans cette émission on adore écouter de grands classiques musicaux. Nous écouterons, je vous l'ai dit tout à l'heure également, Talk Talk avec Such a Shame. Voilà, voilà, ça arrive juste avant midi sur Radio Antigone, donc il va falloir patienter encore un peu. Mais ce pourquoi il ne faut pas patienter, c'est pour l'archive pub qui vient tout de suite. L'archive pub. Avec ce bon vieux jingle, archive pub. Alors, l'archive pub, c'est quoi, je vous rappelle, hein, pour les potentiels nouveaux auditeurs? Eh bien, c'est un moment où on réécoute une très très vieille publicité en guise d'archive. Voilà, il y a aucun argent, hein. Radio Antigone ne gagne aucun argent avec cette pub, c'est juste une petite archive. Et parfois, on tombe sur des pépites parce que des publicités qui, parfois, sont très très musicales, comme celle-ci, qui date de 1987 et qui est pour une célèbre marque de fromage blanc. La tendresse, c'est un moment très doux. C'est bon comme un jockey que l'on savoure. Jockey si doux, jockey si tendre. On t'aime fort, on t'aime tant. La tendresse, c'est tellement de la deux. C'est bon comme un jockey que l'on partage. Jockey si doux, jockey si tendre. La tendresse, c'est bon comme un jockey. Voilà, et une musique très très tendre et très très douce pour cette publicité pour le fromage blanc Jockey. Alors non, je ne parle pas de quelqu'un qui est sur un cheval, je parle bien du fromage blanc Jockey, qui a bien été à l'époque de la marque Gervais, racheté par Danone. C'est donc Danone qui commercialise actuellement cette marque, cette licence Gervais, hein, toujours en vente. Et puis vous avez même maintenant, alors avant c'était des gros pots, et maintenant eh bien il y a des des petits pots, voilà, des tout petits pots jockeys qui sont même parfois parfumés. Et c'est encore vendu, notamment j'ai vu Carrefour qui vendait. Et fabriqué en France, le fromage blanc onctueux et doux, c'est comme ça qu'il est annoncé maintenant. Une recette au fromage blanc riche aux protéines. Désolé, d'habitude je parle de l'histoire d'une marque. Là j'ai pas grand chose sur la marque jockey, donc je vous en parle de façon assez basique. Mais voilà, les prochaines fois on aura un peu plus d'histoire. C'est toujours sympathique d'avoir un peu plus d'histoire. Et puis pour ceux qui veulent tenir leur ligne, sachez que le fromage blanc jockey a un Nutri-Score A. Voilà, pour ceux que ça intéresse, ça peut être intéressant. Alors, il est quelle heure? Il est 11h12. Voilà pour cette archive pub. Archive pub qui revient samedi prochain dans une nouvelle case du week-end. Et bah pour l'instant, on repart en musique. Voilà, avec le programme télé et aujourd'hui l'économie qui seront là dans quelques minutes. Voici tout de suite Michael Miro sur la route. Et ton silence quand dit long, t'as trop tourné en rond. Faut s'enfuir coûte que coûte sur la route, sur la route. Je les entends les questions, la seule réponse l'horizon. Y'a plus l'ombre d'un doute sur la route, sur la route. Come, baby, come. On the road with me, in the place where we belong. Baby, come. Chante à l'infini, la mélo-mélo qui fait. T'es partante, moi aussi. Plus rien que l'on redoute. Sur la route, sur la route. Sky will be the limit. Allons-y, partons vite. Only you and me. Sur la route, sur la route. Come, baby, come. On the road with me. In the place where we belong. Baby, come. Chante à l'infini. La mélo mélo qui fait. Mon amour, l'entends-tu? Take the best, forget the rest. Moi, le reste, j'en veux plus. Come, baby, come. On the road with me. In the place where we belong. Baby, come. Chante à l'infini. La mélo-mélo qui fait. C'était Michael Miro sur Radio Antigone à l'instant. J'ai failli oublier de parler, mais bon, ce n'est rien. Michael Miro et son tout dernier titre, c'était Sur la route. Il est 11h14, voici le programme télé. Radio Antigone, le programme télé. Il est même 11h15, hein, voilà. Faut être précis quand même, on aime bien être précis, on aime bien la précision dans cette émission. Le programme télé, comme chaque week-end à 7h, et on commence par TF1 qui vous propose un film inédit, Spider-Man Far From Home. C'est le deuxième volet des Spider-Man avec Tom Holland, dont on a parlé tout à l'heure dans les sorties cinéma, alors que le dernier volet, le troisième, est sorti en décembre dernier, si je ne me trompe pas. Du côté de France 2, eh bien, il y a également un film inédit avec Papy Sitter et c'est à partir de 21h10. Sur France 3, une série télé également inédite, Grand Chester, à partir de 21h10. Sur Canal Plus Galactique, sur France 5, un numéro en direct de C'est dans l'air, spécial présidentiel. Sur M6, un nouveau numéro de Capital consacré à l'alimentation, au bois et à la pêche, révélation sur les pillages gaspillage et les gaspillages de nos ressources. C'est à partir de 21h10 et c'est suivi d'un numéro inédit d'enquête exclusive qui vous emmènera en Irlande du Nord. Sur Arte, à 21h, l'épreuve de force. Sur C8, pour Sambric, t'as plus rien, c'est un film inédit. Sur W9, le film Belle et Sébastien. Sur TMC, rediffusion d'Hercule Poirot. Sur TFX, le Big Bêtisier inédit. Sur NRJ12, à 21h10, urgence, direction, les marins-pompiers de Marseille. Bah, direction Marseille pour aller voir les marins-pompiers. Voilà, parce que on va pas rentrer dans les marins-pompiers. Du côté de LCP Public Sénat, comme tous les dimanches, Rambob Ina, qui est consacré aujourd'hui aux conditions des homosexuels dans la société des années 70. Sur France 4, ou plutôt Culture Box, à cette heure-là, un amour de jeunesse. Voilà, c'est inédit et c'est à partir de 21h10. Sur ces stars, Chicago Fire, la série télé inédite, avec plusieurs numéros inédits toute cette soirée. Sur Gulli, la série télé Sydney Fox, l'aventurière. Sur TF1, série film Valentine's Day, à partir de 21h, c'est un film. Sur la chaîne L'Équipe du rugby, avec le tournoi des Six Nations U20, voilà, les jeunes qui seront sur la chaîne L'Équipe ce soir. Sur Sister, un film avec Vaiana, la légende du bout du monde. C'est à partir de 21h05 et c'est sur le canal 22 de la TNT. Sur RMC Story, faites entrer l'accusé. Sur RMC Découverte, inédit, les Brown Génération Alaska. Et puis on termine avec Chéri 25 qui vous propose des rediffusions des petits meurtres d'Agatha Christie comme tous les dimanches depuis un petit moment. Voilà, voilà pour votre programme télé. Si vous voulez regarder la télévision ce soir. Il est 11h18 sur Radio Antigone. Merci de l'écouter, la case du week-end. Radio Antigone, 10h midi, la case du week-end. Dans quelques minutes, on parle économie avec Marie-Pierre Olfan. Vous avez encore quelques minutes pour deviner de quel fruit on va parler et nous en faire part sur les réseaux sociaux. Voici Forever Young. Stop as if it's you and me. Let me grab your perfect body. Let me ride it like a Harley. In the fast lane, we'll outrun man's destiny. Welcome to the big illusion. While we're on, better make it count. Don't need nobody's permission. Be alive now. If this life is just a big illusion, let's have fun and be forever young. It doesn't matter the destination. Even if the future's hazy, all the more reason to get crazy. They say we're too much, I say it's not enough. Babe, together we're an army. Let's have one hell of a journey. Since it's all a joke, you'd be dumb not to love. Welcome to the big illusion. While we're on, better make it count. Don't need nobody's permission. Be alive now. If this life is just a big illusion, let's have fun and be forever young. It doesn't matter the destination. If this life is just a big illusion, love will make us stay forever young. Let's have fun and be forever young. It doesn't matter the destination. If this life is We Would The Face, c'était Forever Young sur Radio Antigone. Ah, le jingle ne part pas, ça fait longtemps, tiens. Aujourd'hui, l'économie. Et oui, puisque nous parlons régulièrement économie, bah c'est tous les week-ends, à 10h23 et 11h23 dans la case des week-ends. Et nous allons retrouver Marie-Pierre Olfant, puisque le prix du pomelo de Floride a été multiplié par 2 en 10 ans. En cause, une chute vertigineuse de la production qui n'a jamais été vraiment compensée par les fruits méditerranéens. Marie-Pierre Olfant, c'est à vous pour les explications. Les oranges de Floride ne sont pas les seules à souffrir. Les pomelo, qui ressemblent à de petits pamplemousses, sont eux aussi attaqués par le greening, la maladie du dragon jaune qui a fait son apparition en 2005 dans les vergers. Le passage des cyclones Matthew et Irma en 2017 n'a fait qu'aggraver la situation en diffusant le mal à grande échelle. Tant et si bien qu'en 15 ans, la production a été divisée par 6, un coup dur pour cette origine, car le fruit de Floride, c'était la Rolls du pomelo, un petit ballon jaune qui a fait sensation sur le marché mondial pendant des années. L'effondrement de la production a entraîné une hausse inévitable des prix, ils ont doublé en 10 ans. Le carton de 17 kilos au prix de vente importateur pour l'Europe se chiffre aujourd'hui entre 35 et 40 euros. Les États-Unis restent les premiers producteurs, mais les exportations américaines ont nettement baissé. La Floride exportait ainsi vers l'Union européenne 100 à 120 000 tonnes de pomelo frais par an au début des années 2000. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 10 000. Le fruit de Floride a peu à peu disparu des linéaires des grands magasins. En termes d'exportation, le leader est aujourd'hui l'Afrique du Sud, suivi par la Turquie. La Méditerranée a bien tenté de prendre la place laissée par les pomelo de Floride, mais les deux fruits ne sont pas substituables. Aucun pays ne réussit à atteindre la qualité qui pousse sous le climat tropical de Floride. Le pomelo que l'on cueille en Turquie, en Israël ou encore en Espagne est beaucoup moins sucré. On atteint des tréfonds sur le plan gustatif, confie même un expert. Résultat, le marché du fruit frais se rétrécit petit à petit, tout comme celui du jus de pomelo qui devient lui aussi de plus en plus cher. Merci beaucoup Marie-Pierre Olfant pour toutes ces explications. Le fruit dont nous avons parlé donc dans cette chronique, c'était le pomelo. Je vous avais lancé un défi pour que vous puissiez deviner le fruit dont nous allions parler. J'irai voir si quelqu'un avait la bonne réponse ou non. Et puis comme promis, j'enverrai un petit cadeau à cette personne. On a un petit peu de temps avant d'écouter de la musique. Donc je vous propose qu'on prenne de l'avance sur le programme et puis qu'on parle rapidement cinéma. Les sorties cinéma. Puisque c'est une chronique en plusieurs parties, hein, dans la case du week-end le dimanche, les sorties cinéma du mercredi suivant, les films qui sortent ce mercredi 16 février. Et on continue avec The Power, un film d'épouvante, d'horreur, un thriller fantastique en salle ce mercredi par Corinna Fess et avec Rose Williams, Emma Rigby et Charlie Carrick, direction Londres en 1974. Et alors que le Royaume Muni se prépare à d'importantes coupures d'électricité, Val, une infirmière débutante, arrive pour son premier jour au sein d'une équipe de nuit d'un hôpital délabré. Là-bas, la majorité des patients et du personnel ont été évacués vers un autre hôpital et elle se retrouve donc pratiquement seule dans ce bâtiment lugubre. Mais derrière ces murs se cache un lourd secret qui va contraindre Val à affronter ses peurs les plus profondes et à se confronter à une force maléfique. Un film à retrouver en salle donc dès ce mercredi d'une durée d'une heure 33. On continue avec Piccolo Corpo, un film d'une heure 29. C'est un drame qui sort ce mercredi. Direction, et ben là on remonte encore plus le temps, puisque nous allons en 1900 en Italie. Le bébé de la jeune Agatha est mort-né et est ainsi condamné à errer dans les limbes. Mais il existerait un endroit dans les montagnes où son bébé pourrait être ramené à la vie, le temps d'un souffle, pour être baptisé. Agatha entreprend donc un voyage et rencontre Lynx qui lui offre son aide. Ensemble, eh bien, ils vont se lancer dans une aventure qui va peut-être leur permettre de se rapprocher du miracle, la remise à la vie pour quelques instants du jeune bébé d'Agatha. Un film de Laura Samani avec Céleste Kelciuti et Andina Quadri à retrouver donc en salle ce mercredi. Les sorties cinéma qui reviennent Vienne qui continue juste avant midi si on a encore un petit peu de temps. Voilà, voilà. Il est 11h26 sur Radio Antigone. Dans quelques minutes, nous allons faire un nouveau point sur l'actu et sur la météo. Mais pour l'heure, voici Lana Del Rey. Voici Blue Jean. Blue jeans, white shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You're so punk rock, I grew up on hip hop, but you fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean, and love hurts, but I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I would wait a million years, promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Your life over, I was like, no, please stay here. We don't need no money, we can make it all work. But he headed out on Sunday, said he'd come on Monday. I stayed up waiting, anticipating and pacing, but he was chasing paper. Caught up in the game, it was the last I heard. C'était Lana Del Rey à l'instant sur Radio Antigone et Phil FM pour la case du week-end. Radio Antigone. Et dans quelques secondes, il sera 11h30, la case du week-end qui débute sa toute dernière demi-heure. C'est la dernière partie déjà. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Mais c'est pas grave, regardez, voici les infos pour tout savoir sur l'actu. On commence avec la politique, et ce n'est pas le premier, mais une défection de plus pour Marine Le Pen, puisque au Rassemblement National, le seul sénateur Stéphane Ravier a claqué la porte de ce parti et a annoncé rejoindre Éric Zemmour pour l'élection présidentielle. Dans l'actualité, également une bagarre a éclaté entre passagers au cours du vol Paris-Cayenne d'Air Caraïbes vendredi soir. Trois personnes ont été placées en garde à vue, nous a annoncé le procureur de la République, Samuel Finetz. Dans l'actualité également, le Canada et les manifestants anti-mesures sanitaires qui étaient encore des milliers ce samedi dans les rues d'Ottawa et continuaient de bloquer un pont frontalier stratégique avec les États-Unis malgré l'intervention de la police. Et en France, justement, le convoi de la liberté et 97 interpellations, 513 verbalisations hier à Paris alors que de nombreux convois de véhicules étaient mobilisés dans les rues de la capitale hier. Un dispositif des manifestations interdites par la préfecture qui a décidé de maintenir son dispositif policier dans les rues de la capitale jusqu'à lundi. Et dans ce domaine, justement, une enquête administrative a été ouverte puisque hier dans le journal de TF1, une vidéo a été diffusée montrant un policier qui, à l'issue d'une course poursuite au niveau de l'Arc de Triomphe, a braqué son arme de service sur le conducteur d'une voiture. La préfecture de Paris qui a décidé de diligenter une enquête administrative après donc la diffusion de cette vidéo pour faire la lumière sur toute cette affaire et savoir ce qu'il s'est vraiment passé. Ces informations concernant le convoi de la liberté. Direction l'Ukraine maintenant et la France qui déconseille à ses ressortissants de voyager dans le pays. C'est ce qui a été annoncé hier. Par ailleurs, KLM suspend ses vols vers l'Ukraine. Et puis, le coup de fil entre Vladimir Poutine et les Occidentaux, notamment entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, hier, qui a duré 1h40. Le président américain qui a discuté donc longuement avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui, selon les Américains, serait tout près de lancer une offensive et de lancer une invasion de l'Ukraine. D'où ce petit affolement un peu partout dans le monde sur cette situation. L'Ukraine qui d'ailleurs demande de garder le calme puisque selon le diplomate ukrainien, dans un communiqué publié samedi, les forces armées ukrainiennes suivent la situation et sont prêtes à riposter à toute atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Voilà pour la déclaration et pour la position officielle du principal intéressé quand même, l'Ukraine. Voilà pour ce point sur l'actualité. Le prochain point sur l'actu, il est dans moins de 30 minutes. Ce sera à midi avec notre partenaire d'RFI et il durera 10 minutes. Ce sera un journal complet que vous pourrez retrouver. Alors, quelle heure est-il ? Eh bien, il est 11h33. Voici donc la météo. C'est pas trop mal aujourd'hui du côté du temps, mais oui, c'est plutôt bien, je trouve, puisque cet après-midi, il fait un petit peu beau. Voilà, il y a du grand soleil sur toute la partie est de la France. Attention à ces pluies qui, pointent leur boule, qui pointent les nuages. Non, j'ai du mal vraiment. Il faut que je reprenne de la salive. Voilà. Je vais prononcer très très tranquillement. Attention à ces pluies qui arrivent du côté de la Bretagne. Et oui, de grandes pluies. Attention aux nuages également du côté du sud-ouest de la France, mais des températures assez élevées sur cette partie. Les Pyrénées et notamment la Nouvelle-Aquitaine où il fait quand même bien beau. 16 degrés à Biarritz, tout comme à Bordeaux. 11 degrés à La Rochelle. Du côté de l'Occitanie, 11 degrés à Perpignan cet après-midi où il y aura un très très gros soleil. Grand soleil également à Chalon-sur-Saône, Belfort ou encore du côté de l'Alsace et de la région Grand Est plus généralement avec des températures qui s'échelonnent de 10 à 11 degrés et comptez même 13 degrés pour Vichy cet après-midi. Demain matin ça va se gâter avec de la pluie qui va envahir tout l'est de la France et oui, que ça soit du côté de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Bourgogne-Franche-Comté ou encore de la région Grand Est, de la pluie également sur la partie ouest de la France, mais là vous pourrez peut-être voir un petit peu le soleil qui sera présent à certains moments et qui réussira à apparaître caché derrière les nuages. Il pleuvra tout de même et attention demain après-midi puisque il y aura un fort risque de grêle sur la pointe bretonne à l'ouest d'une ligne entre Rouen et Nantes. Attention, soyez prudents puisque des averses orageuses pourraient se déclarer dans l'après-midi. Il faudra donc être prudent demain, il fera pas très très beau, demain après-midi. Voilà pour cette météo. Oh là là, mais j'ai du mal, c'était chaotique, j'ai l'impression. L'émission continue dès maintenant, puisqu'il reste 25 minutes dans cette case du week-end. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. 25 minutes qui seront composées de musique, bien sûr. Mais oui, il y aura Christophe, Maé et du Soleil. Christophe Maé, il y a du soleil. Ça arrive dans quelques minutes sur Radio Antigone. Nous parlerons également numérique avec Android 13 qui commence à pointer le bout de son nez. Toutes les informations dans la chronique numérique qui arrive dans quelques minutes. Nous écouterons un classique musical avec Talk Talk. Such a Sham, qui sera diffusé en intégralité après les actus du sport de 10h45. Restez donc bien sur Radio Antigone pour profiter de tout ce beau programme. Programme qui sera également médiatique avec les actus des médias tout à l'heure à 11h51. Pour l'instant, la musique avec Deadmau5 parce que le S est fait avec un 5, donc un 5 en anglais. Voici Professional Griffers à 11h37. Deadmau5, c'était Professional Griffers à l'instant sur Radio Antigone. Radio Antigone, les actus du numérique. Et actus du numérique qui vont intéresser les détenteurs d'un téléphone Android. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a plus d'informations sur la prochaine version d'Android, Android 13. Quelques informations, notamment sur les phases avant d'arriver à la version finalisée qui sera mise en ligne pour tous les appareils compatibles. Alors, quelques informations déjà, on va commencer par ça. Le calendrier à retenir. Eh bien, la preview pour les développeurs débute maintenant et ira jusqu'à mars. À partir d'avril et jusqu'à juin, ce sera la bêta. Et puis à partir de juin, la plateforme sera normalement stable et devrait pouvoir sortir. Eh bien, peut-être fin 2022. En tout cas, stable à partir de juin, juillet. Et puis on nous indique une sortie finale après juillet. Donc peut-être à partir d'août, septembre, octobre. Pas plus d'informations pour l'instant. Mais voilà pour le calendrier simple de Android 13 pour sa sortie prochaine. Alors Android 13, c'est bien sûr de nouvelles fonctionnalités, bien sûr, bah oui, voilà, et notamment eh bien des fonctionnalités encore améliorées pour les développeurs. C'était déjà le cas de Android 12, hein, on en avait d'ailleurs parlé dans cette émission. Le but est eh bien de faciliter la tâche pour les développeurs et notamment eh bien de leur permettre de commencer à développer des applications directement pour qu'elles soient compatibles Android 12, d'où la bêta d'ailleurs, mais des nouvelles applications, fonctionnalités pour les développeurs, mais également pour les utilisateurs, bien sûr, avec notamment eh bien du côté du design un Material View, c'est le nouveau nom du design qui sera présent sous Android 13, tout comme Android 12. Toujours la possibilité d'avoir une couleur d'accentuation d'interface qui va changer en fonction du fond d'écran pour s'harmoniser avec le fond d'écran. Android 13 va pousser la personnalisation encore plus loin en appliquant ce principe aux icônes d'application. Ce qui veut dire, eh bien, que vous pourrez avoir de belles pages d'accueil avec, eh bien, des icônes totalement harmonisées. Le logo de l'application, mais exactement la même couleur, eh bien, qui sera adaptée au fond d'écran. J'ai quelques images et ça fait plutôt un beau rendu, voilà, un très très beau rendu, et ce sera une des fonctionnalités d'Android 13. Du côté des fonctionnalités plus pratiques, dans les panneaux des paramètres rapides, vous le savez, vous trouvez des options classiques hein, comme les réglages du Bluetooth, du Wi-Fi ou encore du mode avion, mais il existe des applications autres qui proposent d'intégrer une nouvelle tuile dans le panneau en question avec Android 13, avec déjà Android depuis un bon moment, hein. On pense notamment à Shazam qui permet d'activer facilement le Shazam ou Auto Shazam directement avec vos panneaux de paramètres rapides. Android 13 va faciliter ce processus puisque, je cite, pour les applications qui proposent des tuiles personnalisées, nous facilitons la découverte et l'ajout de vos tuiles aux paramètres rapides, nous dit-on. Concrètement, les plateformes concernées vont pouvoir afficher un message invitant les utilisateurs à ajouter une tuile dédiée, un bouton dédié, et ce sans même avoir à quitter l'application. Alors, du côté des autres fonctionnalités, eh bien, si vous êtes bilingue, trilingue ou polyglotte, peut-être avez-vous envie d'utiliser telle ou telle langue en fonction de l'application que vous utilisez, eh bien, vous allez pouvoir changer la langue sur les applications de votre choix avec Android 13. C'est donc une des nouvelles fonctionnalités. Le système d'exploitation qui permettra également une meilleure gestion de la césure dans les textes pour qu'ils soient toujours plus agréables à lire. Du côté des photos, eh bien, les applications qui permettent de partager des photos devront, eh bien, avoir l'autorisation d'un accès à l'ensemble de la bibliothèque d'images. Sur Android 13, le sélecteur de photos permettra à l'utilisateur de n'autoriser l'accès qu'à certains fichiers spécifiques pour une meilleure confidentialité. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre niveau fonctionnalité à vous annoncer? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On parlera plus tard dans cette émission des téléphones compatibles. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Par contre, du côté des fonctionnalités, on a la possibilité améliorée de renseigner plusieurs profils ou comptes d'utilisateurs sur un unique appareil. C'est déjà le cas actuellement sur la version 12 d'Android, mais ça sera encore plus le cas sur la version 13, très pratique hein, sur un appareil comme une tablette qui peut être familiale et donc être dédiée à une utilisation par différents utilisateurs, et ça permettra eh bien à chaque utilisateur d'avoir son propre écran d'accueil personnalisé avec ses applications, ses paramètres, une fonctionnalité qui pour l'instant est enfuie dans les paramètres d'Android, mais qui ne le sera peut-être pas avec la version 13 d'Android. Voilà pour ces quelques informations concernant la prochaine version d'Android, Android 13, dont le développement est en cours, voilà, et dont une grande partie, eh bien, de la bêta, non pas de la bêta, mais en tout cas une grande partie de la preview pour les développeurs vient de commencer en février. La bêta, c'est à partir d'avril. Voilà, voilà pour ces actus du numérique. Oh là là, j'ai du mal et j'ai l'impression que j'ai pris une éternité pour cette chronique. J'ai vraiment du mal ce matin, c'est une catastrophe. Alors, oui, j'ai pris 6 minutes pour cette chronique, c'est quand même super. Je suis donc extrêmement en retard, donc je vous propose qu'on reparte directement en musique. Il y aura les actus du sport dans quelques instants, restez donc bien là. Pour l'instant, on écoute Christophe Maé avec Il y a du soleil. Bienvenue sur Radio Antigone. Donne-moi, vas-y, donne-moi un peu de toi. C'est ça. Dis-moi, dis-moi où est la lumière en toi qu'on ne voit pas. Et danse-moi, la danse qu'on fait quand on ne pense pas. C'est ça. Christophe Maé, il y a du soleil à l'instant sur Radio Antigone dans la case du week-end. Allez, on parle sport. Les actus du sport. Mais oui, elles sont là, les actus du sport. J'ai mon micro qui, encore une fois, se barre. Voilà. Je vais me mettre debout maintenant, presque, je pense. C'est le micro que je veux qu'il soit à ma hauteur. Ouais, c'est super, vraiment super pratique. Alors, les actus du sport. Puisque c'est pas mal pour les Français. Bah oui, on a plein de médailles du côté des Jeux Olympiques. Direction Pékin, donc direction la Chine. Bah oui, bah quand même. Profitons-en. Parlons de tout cela. Il y a plein de choses. Voilà. Vraiment plein de choses. Des médailles. Voilà. On commence tout simplement, eh bien, avec le relais français de ski de fond qui a décroché la médaille de bronze sur le 4x10 km. Bravo à eux. Le relais était composé de Richard Jouve, d'Hugo Lapaluse, de Clément Paris et de Maurice Magnifica. Et ils ont apporté, ce dimanche, une neuvième médaille à la délégation française. Bravo à eux. C'est la première médaille de ces Jeux Olympiques pour l'équipe de France de ski de fond. Bravo, bravo. Hier, le duo français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont établi un nouveau record lors de l'épreuve de danse rythmique hier. Ils ont, avec ce record, pris la tête de la compétition avant la danse libre lundi. Bravo à eux. C'était une prestation sans faute dans l'exécution des éléments, nous dit la rédaction de France TV Sport. Une note technique de 51,65 auquel s'ajoute 39,18 points pour la présentation. Les Français vont pouvoir tenter de décrocher la seule médaille qui leur manque à leur palmarès, l'or olympique, ce lundi à partir de 2h15 heure de Paris avec la dernière épreuve. Donc, je vous l'ai dit, ce sera la danse libre ce lundi, donc très très tôt, donc dans quelques heures, voilà, dans quelques heures vous voulez rester debout. Qu'y a-t-il d'autre? Bah, il y a d'autres médailles, hein, notamment en ski alpin, avec Mathieu Fèvre qui a pris la médaille de bronze en slalom géant. Derrière, eh bien, Marco Odernat qui a lui été sacré champion olympique. Voilà, bravo quand même à Mathieu Fèvre qui s'est donc bien battu et qui a pu décrocher une médaille de bronze. C'est déjà très très bien. Dans l'actualité également, eh bien, du biathlon. Bah oui, du biathlon avec actuellement la poursuite homme, voilà, que je ne peux visiblement pas suivre en direct puisque j'ai super une publicité avant, donc je ne peux pas vous dire où on en est au niveau du classement, donc je vais continuer à parler d'autres choses avant. Il faut que je retrouve de quoi je devais parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, il y a j'ai fait le tour, je crois. mince, pratique, ça, Enzo. C'était une chronique bien ratée, donc. Non, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres médailles, normalement, je sens. On a d'autres classements. Bah oui, on a d'autres choses. Attendez. C'est quoi ce bazar? Pourquoi est-ce que je me rate? Alors, je vous propose qu'on fasse un point du côté du tableau des médailles, du coup, en attendant d'avoir des informations sur le biathlon. Actuellement, c'est la Norvège qui a le plus de médailles dans ces Jeux Olympiques, avec 9 médailles d'or et 20 médailles au total, suivi de l'Allemagne, 8 médailles d'or, 14 médailles au total. Les États-Unis, 5 médailles d'or et 11 médailles au total. Les Pays-Bas viennent ensuite avec 11 médailles au total, suivi de la Suède, pareil. L'Autriche, 14 médailles au total, mais seulement 4 médailles d'or. La délégation olympique russe, qui n'est pas officielle, ce n'est pas officiellement la Russie, mais bien l'équipe olympique russe, qui a 14 médailles et 4 médailles d'or. La France est 13e du classement des médailles, avec une médaille d'or, 6 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Alors, du biathlon, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne qu'actuellement, dans cette poursuite masculine, c'est Johannes Bö qui est actuellement le leader à l'issue du premier tir avec un sans faute qu'il vient de réaliser. Il est poursuivi de Quentin Fillon-Maillet qui est parti avec quelques secondes de retard. Les retards issus de la course précédente. Et donc c'est Quentin Fillon-Maillet qui est actuellement au pas de tir pour tenter de limiter l'écart avec Johannes Bö, alors que ses poursuivants s'installent actuellement au pas de tir. On va suivre en direct le tir de du Jurassien Quentin Fillon-Maillet qui pour l'instant a mis 2 balles dans la cible. C'est bon pour 3 sur 5. Allez, 4 sur 5, des conditions difficiles avec beaucoup de vent, une faible luminosité, mais c'est bon, ça passe pour le sans faute pour Quentin Fillon-Maillet qui va pouvoir tenter de rattraper sur la piste Johannes Bö avec 40 secondes de retard. Emilien Jacquelin vient de s'installer sur le pas de tir. Je vous donnerai quelques informations sur l'avancée de cette course à la toute fin de cette émission, donc dans moins de 5 minutes, puisque pour l'instant on part du côté de la musique et d'un classique musical. Le classique de la case du week-end. Parce que je suis à la bourre, clairement. Donc, voici tout de suite un classique musical avec Talk Talk, Such a Shame. Such a shame to believe in escape. A laugh on every face, and that's a change. Till I'm finally left with a mate, tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame. Merci d'écouter la case du week-end de Radio Antigone et le classique musical de la deuxième heure de l'émission à l'instant. C'était Talk Talk avec Sacha Scheim. Radio Antigone. Les actus des médias. Qui touche presque à sa fin, mais avant une rapide actu médiatique. Alors que la nouvelle saison de Pékin Express vient de démarrer, c'était sur M6 ce jeudi, nous avons appris que un tournage a débuté il y a moins d'une semaine, celui d'une version célébrité de l'émission de Stéphane Rotterberg. Le tournage est en cours au Sri Lanka, selon une information du Parisien. Et on peut noter que parmi les personnalités présentes, il y a Xavier Domergue avec Johan Rioux et l'ancienne l'ex-campagne de François Hollande, Valérie Triard-Veilleur, l'ancienne plume du Paris Match, qui est accompagnée de sa meilleure amie pour l'accompagner sur le tournage de cette émission dans laquelle je n'ai plus le nom, c'est ça, super. Six duos de célébrités vont s'affronter. Voilà pour cette actu rapide médiatique. Merci d'avoir suivi cette émission. Désolé, elle était un petit peu compliquée, j'ai eu du mal. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne fin de journée. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.